بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On entame aujourd'hui le septième cours, inshallah ta'ala, dans cette série, la lecture et le commentaire de Al-Irtisam, le chapitre de la fermeté. La fermeté sur le Coran et la Sunna, tiré du Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Toujours dans le sous-chapitre lié à l'interdiction de poser beaucoup de questions et d'exagérer dans cela. Et donc ici l'auteur, rahimahullah, al-Bukhari, qui dit « Haddathana Suleyman ibn Harb, qala haddathana Hammad ibn Zayd, an Thabit, an Anasin, qala kunna inda Umara, fa qala nuhina an al-takalluf. » Et donc l'auteur qui nous cite sa chaîne de transmission, rahimahullah, qui monte jusqu'à Anas radiallahu anhu. Anas qui dit, nous étions auprès de Omar radiallahu anhu, qui a dit, nuhina anit takalluf. Il nous a été interdit d'exagérer. L'exagération nous a été interdite. Naam. Et donc on reste toujours dans le même principe, que les hadiths précédents. Et toujours donc dans ce même sous-chapitre qui est lié à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an ashiya'a in tubdalakum tasukum. Ô vous qui avez cru, vous qui avez la foi, n'interrogez pas concernant des choses que si elles vous sont montrées, cela vous fera du mal. Et donc ici barakallahu fikum, cette exagération, l'exagération dans les questions peut mener les gens dans une difficulté, dans un grand mal au niveau de leur religion, et cela nous a été interdit, comme l'a cité Omar radiallahu anhu. L'auteur qui nous dit après cela, haddathana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri ha wa haddathani Mahmoud قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما. Et donc ici l'auteur qui cite la chaîne de transmission encore jusqu'à Anas ibn Malik رضي الله عنه, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti après le déclin du soleil et a prié, accompli la prière du Zohor. Et ensuite, lorsqu'il a fini, il s'est tenu sur le mimbar et a parlé de Sa'a, de l'heure, c'est-à-dire de la fin des temps. Et il a cité qu'il y a entre celle-ci et qu'il y aura avant la fin des temps, il y aura avant elle, beaucoup de choses énormes. ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقام هذا. Et ensuite il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quiconque désire m'interroger concernant quelque chose, alors qu'il le fasse par Allah, vous ne m'interrogerez concernant quoi que ce soit sans que je vous l'informe tant que je suis à cette place-là. قال أنس فأكثر الناس البكاء وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني. Et donc Anas il dit, les gens ont beaucoup pleuré. Et le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a beaucoup dit aux gens, interrogez-moi, demandez-moi. فقال أنس فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله. Et donc Anas qui dit, un homme s'est tenu, un homme s'est dressé, un homme s'est levé, et il a dit, ô messager d'Allah, où est ma place? Madkhali, où est-ce que j'irai? Alors il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le feu. Fait comme Abdullah ibn Hudhafa. Fait comme man abi ya rasulallah. Alors là, Abdullah ibn Hudhafa, il s'est levé, il a dit, « Qui est mon père, ô messager d'Allah ?»« Qala abuka Hudhafa. » Il a dit, « Ton père est Hudhafa. » Qala thumma akthara an yakul saluni saluni. Et ensuite il a beaucoup dit le messager d'Allah, interrogez-moi, interrogez-moi. Fa baraka umara ala rubbatihi fa qala radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasulan. Alors à ce moment, Umar, il s'est donc assis sur les genoux et il a dit: nous sommes satisfaits de l'islam, nous sommes satisfaits d'Allah comme Seigneur, et de l'islam comme religion, et de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Fasakata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hina qala Umar dhalik. Alors à ce moment-là, lorsque Umar il a dit cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Thumma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, walladhi nafsi biyadihi, laqad uridat alayya al-jannah wan-nar anifan fi 'urdi hadha al-ha'it. Et donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui dont mon âme est entre ses mains, certes le paradis et l'enfer m'ont été exposés précédemment dans ce mur, et alors que je priais, et je n'ai pas vu, je n'ai rien vu comme ce que j'ai vu aujourd'hui dans le bien et dans le mal. Et donc ce hadith, barakallahu fikum, ce hadith, encore une fois, il nous montre l'interdiction d'exagérer dans les questions. Comme on voit, donc cette personne qui demande concernant sa place, où est-ce que j'irai? Où est-ce que j'irai? Et donc là, on rentre vraiment dans le verset, la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasukum. N'interrogez pas concernant des choses que si elles vous sont montrées, alors elles vous feront du mal, elles vous feront du tort. Et donc il est important, barakallahu fikum, de ne pas exagérer dans les questions. Et ici c'est un exemple. Mais beaucoup de personnes vont exagérer en posant des questions qui leur font du tort, en posant des questions qui leur font du mal. Et donc nous devons nous efforcer de faire ce qui nous est profitable. Ihris ala ma yanfa'uk. Efforce-toi de faire ce qui t'est profitable. Fais ce qui t'est profitable. Beaucoup de personnes vont perdre du temps dans des sujets futiles, des futilités. Et donc il est important, chers frères, barakallahu fikoum, de bien comprendre ce sujet et de ne pas nous adonner à des futilités en délaissant ce qui est important, comme on le verra prochainement dans ce même cours, inshallah ta'ala. Ici un autre hadith qui est lié au précédent, donc toujours ici avec la chaîne de transmission, qui monte jusqu'à Moussa ibn Anas. Qala sami'tu Anas, donc la chaîne de transmission qui monte jusqu'à Anas ibn Malik, qui dit: qala rajulun ya nabi Allah, من أبي قال أبوك فلان ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. Et donc ici, donc Anas ibn Malik qui dit qu'un homme a dit au messager d'Allah, au prophète d'Allah, qui est mon père? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit: ton père est un tel. Et à ce moment-là, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala est descendue: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. Ô vous qui avez cru, n'interrogez pas concernant des choses que si elles vous sont montrées, elles vous feront du tort. Et donc barakallahu fikum, hein, parfois donc les gens, celui qui a demandé, donc qui est ton père, qui est mon père, etc., est-ce que mon père c'est un tel, etc., les gens vont poser des questions qui leur font du tort par rapport à leur passé. Certains aujourd'hui vont tomber dans ce problème au niveau du mariage, hein, il va poser des questions qui ne le regardent pas concernant sa femme. Hein? Est-ce que dans ton passé, il y a eu ça? Est-ce qu'il y a eu ça? Est-ce qu'il y a eu ça? Mais mon frère, ça ne te regarde pas là. Tu vas te faire du tort à toi-même. Tu vas te faire du tort à toi-même. Et même s'il y a eu ça, c'était dans son passé, elle s'est repentie. Et aujourd'hui, tu n'as pas à la reprocher. Tu n'as pas à lui reprocher cela. Tu n'as pas à lui faire de reproches par rapport à son passé, alors qu'elle s'est repentie à cela. Elle s'est repentie de cela. Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on comprenne le sujet, on ne doit pas exagérer dans les questions. L'auteur qui nous cite après cela un autre hadith encore, la chaîne de transmission qui monte encore jusqu'à Anas ibn Malik, qui dit: qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lan yabraha an-nasu yatasaelun hatta yakulu hadha Allahu khaliqu kulli shay, faman khalaqa Allah. Et donc Anas qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, les gens ne cesseront de s'interroger jusqu'à ce qu'ils diront « Donc voilà Allah le créateur de toutes choses. C'est Allah le créateur de toutes choses. Qui a donc créé Allah ?» Et donc, l'exagération dans les questions. Et il est important, barakallahu fikoum, de mettre des limites. D'ailleurs, dans ce même hadith, il y a d'autres narrations de ce hadith. Il y a d'autres narrations de ce hadith, donc, comme dans Sahih Muslim. Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, « Ya'ti shaytan ahadakum, fayakulu man khalaqa kaza wa kaza, hatta yakulu lahu man khalaqa rabbak, fa'idha balaga thalika falyasta'iz billahi wal yantahi. » Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, « Shaytan, il vient à l'un d'entre vous, et lui disent, qui a créé cela et cela, jusqu'à ce qu'il arrive et qu'il dise, qui a créé son Seigneur ?» Celui alors qui trouve cela, celui alors qui arrive à ce niveau-là, qu'il implore la protection d'Allah et qu'il arrête. Il implore la protection d'Allah. Pourquoi ? Parce que celui qui est venu à lui, c'est Shaitan. Et Shaitan, tu ne le vois pas, c'est ton ennemi, mais tu ne le vois pas. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna shayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Et donc certes, il vous voit, lui et les siens. De là où vous ne les voyez pas. Et donc, le shaitan, il te voit, toi, tu ne le vois pas. Et donc, tu implores la protection de celui qui voit tout, de celui dont on ne peut rien lui cacher. C'est Allah, tabaraka wa ta'ala. Une autre narration encore de ce hadith, hein, d'après Abu Hurayra, radiallahu anhu. قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان ما شاء الله. Et donc Abu Huraira radiallahu anhu qui dit que des gens sont venus parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont venus le voir et ils lui ont dit certes nous avons en nous parfois des choses dont nous sommes gênés d'en parler tellement elles sont graves, tellement elles sont lourdes, ces choses-là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, vous avez trouvé cela? Vous trouvez cela en vous? Ils ont dit na'am. Il leur a dit, zaka sarihul iman. Ceci est la clarté de la foi. Et donc, c'est-à-dire que la personne, elle a la foi. Et donc, shaitan, il va venir donc embêter, déranger cette personne avec ce genre de questions pour la perturber dans sa foi. Et ça nous rappelle cette parole très connue. Wa madha yasna'u shaytan bi qalbin kharib. Et qu'est-ce que shaytan il fait avec un cœur qui est déjà donc qui est déjà donc perdu, un cœur qui est déjà ruiné, mené à sa perte. Et donc tout simplement lorsque le croyant il a la foi et lorsque le croyant il a la pratique, alors ici, barakallahu fikoum, le shaitan il va s'efforcer de chercher des moyens pour perturber cette personne dans sa foi. Mais lorsque la personne elle est déjà égarée, la personne elle est déjà déviante, la personne elle est déjà dans ses péchés, la personne elle est déjà dans sa mécréance, etc. La personne elle est déjà dans ses innovations, ses déviances. Le shaitan, il laisse la personne dans ses déviances dans laquelle elle est. Il n'y a pas besoin de s'occuper à la perturber. Et donc, c'est pour ça qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, zaka sarihul iman, ceci est la clarté de la foi. Ceci est la clarté de la foi. Tayyib. Et donc, comment on fait pour se soigner de ce shaitan qui vient donc nous perturber dans notre foi? Comme il l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui trouve cela, alors qu'il implore la protection d'Allah et qu'il arrête. Donc on met des limites, qu'il arrête. Il arrête de poser ses questions. Dans une autre narration, فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شِيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ. Et donc dans une autre narration, celui qui trouve quelque chose comme cela, alors qu'il dise « Je crois en Allah ». Je crois en Allah. Et donc ça c'est important, barakallahu fikoum, le fait de nous rappeler d'Allah. Le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous aide à repousser les insufflations du diable. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Certes, ceux qui font preuve de piété lorsque le shaitan vient leur faire quelconque suggestion, ils se rappellent, c'est-à-dire ils se rappellent d'Allah, ils se rappellent de l'au-delà, ils se rappellent du châtiment, ils se rappellent du jugement, alors là ils deviennent clairvoyants. Et donc ils voient clairement que ceci est une suggestion du diable et ils s'en éloignent, ils la délaissent. Tayyib, le dernier hadith cité par l'auteur ici dans ce sous-chapitre, il nous cite la chaîne de transmission qui monte jusqu'à Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui dit « Kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fi harsin bil Medina » Et Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui dit « J'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une plantation, sur une plantation à Médine. Wa huwa yatawakka'u ala asib » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'appuyait donc sur une branche de palmier. « Fa marra bi nafarin min al-yahoud » Et donc il est passé à côté d'un groupe de juifs. « Fa qala ba'duhum » Alors certains parmi les juifs, ils ont dit donc, interrogez-le concernant Ar-Ruh, l'esprit, l'âme. Wa qala ba'duhum la tas'aluhu, la yusmi'ukum ma takrahun. Et d'autres ont dit, ne l'interrogez pas, ne lui demandez pas, afin qu'il ne vous fasse pas entendre ce que vous détesterez. Fa qamu ilayhi fa qalu ya Abul Qasim, haddithna 'ani Ar-Ruh. Et donc ils se sont levés, ils sont allés vers lui, et lui ont dit, « Oh Abul Qasim, c'est la cunia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, « Abul Qasim, parle-nous de l'âme. »« Fekom sa'atan yanzur » Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté un instant à attendre. « Fa'araftu annahu yuha ilayhi » Alors là, Ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, il dit, « Et donc je savais que la révélation, elle était en train... » Donc, je savais qu'on était en train de lui faire révélation. Donc, Allah Azza wa Jalla lui faisait révélation. Alors, j'ai reculé jusqu'à ce que la révélation s'estompe. Et donc, ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa yas'alunaka 'anir ruh. Qul ar-ruh min amri rabbi. Il t'interroge concernant l'âme. Ar-Ruh. Dit l'âme vient du commandement de mon Seigneur. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala ici, il leur a montré un point essentiel. Vous interrogez concernant Ar-Ruh, l'âme, l'esprit, qui fait partie des sujets de l'invisible. Et vous délaissez ce qui est beaucoup plus clair que cela. Vous délaissez tous les signes qui sont clairs. Vous n'interrogez pas concernant la prophétie, la véracité de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait d'adorer que Allah tabaraka wa ta'ala et de croire à tous les prophètes qu'il a envoyés. Yas'alunaka 'anir ruh, il t'interroge concernant l'âme. Qul ar-ruhu min amri rabbi, dit l'âme vient du commandement de mon Seigneur. Wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Et certes, il ne vous a été donné que très peu de science. Et donc vous n'avez que très peu de connaissances et vous demandez concernant ces sujets subtils. Concentrez-vous sur ce qui vous est profitable. Beaucoup de personnes vont s'interroger sur des sujets qui ne leur sont pas profitables. Comme je vois chez certains de nos frères parfois, et subhanallah, ils font rentrer ce sujet dans la croyance, dans la aqida maintenant, hein, ils vont faire des débats et lire des écrits et des écrits et des écrits. Parfois, certains de nos frères ou de nos sœurs qui ne sont pas arabophones, ils n'ont pas l'arabe, ils n'ont pas trouvé le temps pour apprendre l'arabe. On n'a pas trouvé le temps pour apprendre l'arabe, mais on a trouvé le temps pour faire des recherches. Est-ce que la terre est ronde ou plate? Et ensuite, on vient débattre sur ce sujet. La terre, elle est plate, la terre, elle est ronde, la terre, elle est plate, la terre, elle est ronde. Subhanallah. Pourquoi est-ce qu'on délaisse les priorités? Pourquoi est-ce que nous délaissons les priorités? Et donc, tout cela à cause de l'exagération dans les questions. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et on continue la semaine prochaine. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.